L'islamisme, d'après le Coran par M. Garcin de Tassy. Exposition de la foi musulmane. Chapitre 2. Des anges. En second lieu, il faut confesser, premièrement que Dieu a des anges qui agissent par son ordre et qui ne sont point rebelles à ses volontés, ainsi que bien des hommes, qu'ils ne mangent point et ne boivent point, qu'ils ne sont d'aucun sexe. Que parmi eux, on distingue ceux qui ont accès auprès du trône de Dieu et qui sont ses envoyés. Que chacun d'eux a des fonctions particulières, que les uns sont sur la terre, les autres dans le ciel, les uns toujours debout, les autres à genoux, que ceux-ci sont prosternés, que ceux-là chantent les louanges de Dieu. Que d'autres enfin sont chargés des hommes et écrivent leurs actions, on les nomme anges gardiens et écrivains indulgents. Deuxièmement, que quelques anges sont doués d'une haute stature et d'une grande force, comme Gabriel, sur qui soit la paix, il descend dans une heure du ciel sur la terre, avec une de ses ailes, il peut soulever une montagne. C'est lui qui est le ministre des vengeances célestes. Note. Le commentaire turc d'Ahmed ben Mohamed Amin porte, les Juifs détestent Gabriel, sur qui soit la paix. Les têtes rouges, les Ottomans nomment ainsi les Persans à cause du bonnet rouge que leurs soldats portent, le détestent aussi. Ils prétendent que Dieu très haut ordonna à Gabriel de porter à Ali le don de prophétie, mais que Gabriel se trompa et le porta à Mahomet. Dieu nous garde de croire une pareille erreur. Troisièmement qu'Azraïl, sur qui soit la paix, est chargé de recevoir l'âme des hommes à leur dernier soupir, et qu'il reçoit toutes les âmes. Quatrièmement, qu'Israfil, sur qui soit la paix, est chargé de sonner de la trompette, instrument qui ressemble à une grande corne, qu'il l'a actuellement en main et la tient embouchée, attendant l'ordre de Dieu Très-Haut. Qu'au moment où il en recevra l'ordre, il sonnera de la trompette, laquelle rendra un son très fort qui s'entendra dans les cieux et sur les terres. Qu'il sonnera deux fois de la trompette, qu'à la première, tous les êtres vivants mourront, ce qui sera le commencement du dernier jour. Que le monde restera 40 ans dans cet état de mort. Qu'ensuite Dieu Très-Haut ressuscitera Israfil, qui sonnera une seconde fois de la trompette, et qu'alors tous les morts ressusciteront. Chapitre 3. Des livres de Dieu. En troisième lieu, il faut confesser, premièrement qu'il y a des livres de Dieu qui, par l'entremise de Gabriel, ont été envoyés du ciel aux prophètes qui sont sur la terre. Ces livres ne sont jamais envoyés qu'à des prophètes, et Gabriel ne vient visiter que les prophètes. Deuxièmement, que le Coran a été envoyé au prophète Mahomet, que Dieu lui soit propice et lui accorde le salut, fragment par fragment, dans l'espace de 23 ans. Note. Quoique nous ayons 3 traductions françaises du Coran, cet ouvrage est peu connu. Il ne peut d'ailleurs être goûté qu'en arabe, et encore faudrait-il que les versets de ce livre fussent dans leur ordre naturel, et qu'on n'y trouvât pas des répétitions fatigantes. Car on sait que Mahomet n'a point annoncé le Coran tel que nous l'avons maintenant, sa rédaction ne date que de la 13e année de l'Hégire, la 2e de la mort du prophète. Ce fut Osman qui fit recueillir par Zeyd, secrétaire de Mahomet, les fragments du Coran. Celui-ci rapprochait les versets qui ont entre eux quelque analogie, observant surtout de placer ensemble ceux qui sont terminés par une même rime. Il eut encore soin de mettre d'abord les versets clairs et intelligibles, et de rejeter à la fin ceux qui présentaient un sens obscur. Aussi les premiers chapitres du Coran sont-ils bien plus faciles à entendre que les autres. La division en chapitres est postérieure. Les premiers sont très longs. Le premier de tous fait une exception, mais ce chapitre est une sorte d'introduction à tout l'ouvrage. Les musulmans l'ont toujours à la bouche. Il est chez eux ce qu'est le pater chez les chrétiens. J'aurai plus loin occasion de le citer. Ceux qui suivent le sont moins, et enfin les derniers sont très courts. Chacun de ces chapitres porte en titre un des mots des premières lignes ou un des plus saillants du chapitre. Ainsi l'un se nomme chapitre de la vache, l'autre de la fourmi, celui-ci de l'abeille, celui-là de la fumée, etc. Le Coran est à la fois le code religieux et civil des musulmans. Il contient des histoires du temps passé, des lois morales, religieuses et civiles, des prières et des louanges de la divinité, enfin les arguments dont se servit Mahomet pour établir sa mission. Les musulmans se sont beaucoup occupés de ce livre. Ils y ont compté 114 sourates, dont 70 écrites à la Mecque et 44 à Médine, 621 parties nommées Ajza et 6236 versets. Il renferme 79439 mots et 323670 lettres. On y trouve le nom de 30 prophètes, savoir, Adam, Seth, Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph et ses 11 frères, Ésaü, Jonas, Lot, Saleh, Oud, Jethro, David, Salomon, Zulkefel, Zulnoun, Élie, Lokman, El-Aziz, Saül, Jéhu, Zacharie, Job, Moïse, Aaron, Jésus et Mahomet. Troisièmement, que le Pentateuque a été envoyé au prophète Moïse, sur qui soit la paix. Quatrièmement, l'évangile au prophète Jésus, sur qui soit la paix. Note. On trouve des traductions arabes, persanes et turques de ce que les musulmans appellent l'évangile, résumé, paraît-il, des quatre évangiles, dans les bibliothèques publiques de Constantinople, ainsi qu'on peut voir dans Todrini, Lettratura Turcesca. Les musulmans, fondés sur le Coran, 61, 6, étaient aussi de ce livre la mission de leur prophète, en lui appliquant les passages où il est question du paraclet, ainsi qu'on l'a vu plus haut. Quoique, fondés encore sur le Coran, ils accusent les chrétiens d'avoir altéré l'évangile, de même qu'ils accusent les juifs d'avoir falsifié et corrompu le Pentateuque et le Psautier. Cinquièmement, le Psautier à David, sur qui soit la paix. Sixièmement, que les autres livres ont été envoyés à d'autres prophètes. Note. En Europe, on a imprimé plusieurs fois les évangiles en turc. Dès 1666, Simen les donna à Oxford, et de nos jours la Société biblique de Russie et celle de Londres en ont publié deux différentes traductions. Le Nouveau Testament turc de la Société biblique de Londres a été imprimé à Paris à l'Imprimerie royale, par les soins de feu le savant et modeste interprète du roi, Kiefer. On ne saurait donner trop d'éloges à ces hommes dévorés du zèle de la maison de Dieu, qui veulent faire participer à la connaissance de l'Évangile toutes les nations de la terre. La propagation de ce saint livre pourra peut-être un jour réunir tous les hommes à une même croyance, ou du moins les rapprocher par les liens de la plus douce et de la plus pure morale qui ait jamais été enseignée. Puisque j'ai cité Todrini, je ne puis m'empêcher de dire combien la traduction française qu'en a donné l'abbé de Cournant est infidèle. Sans parler des mots orientaux qui y sont totalement altérés, et de plusieurs noms d'auteurs européens connus et célèbres, également défigurés, La traduction contient bien des contresens, qui en rendent souvent la lecture inintelligible. L'auteur a toujours traduit « assai » par « assez », sans s'embarrasser du sens, c'est ainsi qu'on lit, entre autres exemples que je pourrais citer, tome 2, page 94. La bibliothèque de la mosquée royale du sultan Bajazet est assez postérieure au temps où ce prince a vécu, puisqu'elle fut établie plus de 2,5 siècles après la mort de cet empereur. Il fallait traduire, et très postérieur, etc. Le traducteur a toujours rendu pair par pour, comme on peut voir, entre autres, tome 1, page 235 où on lit, cette célèbre sonate, j'ai trouvé, qu'elle se conserve encore pour tradition. Il faut, par tradition. Voici quelques-unes des phrases inintelligibles qui défigurent cette traduction. Tome 2, page 18. Une mosquée si somptueuse ne devait point manquer de s'en médresser. Il fallait dire, manquer d'avoir, ou mieux, il était naturel qu'une mosquée si somptueuse eût un médressé. Ibidem page 177, ces deux alcorans sont venus de mosquée. Il y a dans l'italien, de la Mecque. Il serait facile de faire d'autres citations. D'ailleurs, je ne sais pourquoi le traducteur français a très souvent omis les notes de l'auteur italien. Septièmement, que tous les livres de Dieu se montent à 104, qu'ils sont tous vrais, que toutefois le sublime Coran, qui est descendu du ciel le dernier de tous, doit être suivi, jusqu'au jour du jugement, dans les lois qu'il a établies. Qu'il ne peut être ni abrogé ni changé. Quelques lois des anciens livres révélés ont été abrogées par le Coran, et actuellement il n'est plus permis de les suivre. Note. Aux quatre livres révélés dont il est fait mention dans le texte, les docteurs musulmans en ajoutent encore 100. Selon la tradition musulmane, 10 de ces livres ont été donnés à Adam, 50 à Seth, 30 à Enoch, et 10 à Abraham. Markendan Archivorg 2021 d'après Gallica BNF FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.